Now that you know the French alphabet, or at least can recognise the sounds of the letters, listen to the scene in reception again. This time, instead of the word pour, meaning for, je crois que vous avez une chambre réservée pour Monsieur Saville. You'll hear the words au nom de, in the name of. Listen and repeat. Au nom de. And now here's the dialogue. Bonsoir, madame. Monsieur? Bonsoir. Je crois que vous avez une chambre réservée au nom de Monsieur Saville, n'est-ce pas? Monsieur Saville. S-A-V-I-2-L-E. Ah oui, monsieur. Non, pardon. Ce n'est pas Monsieur Saville. C'est Monsieur Wickham. Wickham. That's me. Wickham. Un instant. Et c'est W-I... Oh, votre nom, how do you... Spell it. Oui. W-I-C-K... W-I-C-K... W-I-C-K... Oui. H-A-M. H-A-M. H-A-M. Wickham. C'est ça.